Comment diriez-vous je suis en train de le préparer? Lo sto preparando. Lo sto preparando. Oui. Et si au lieu de je suis en train de le préparer, je vous avais demandé simplement je le prépare, qu'auriez-vous dit? Lo preparo. Lo preparo. C'est ça. Et au futur, comment direz-vous je le préparerai? Lo prepararò. Attention, preparare est un verbe en are. Donc, qu'est-ce qui se passe au futur? Le a devient e? Oui. Alors, je le préparerai donne? Lo preparerò. Lo preparerò. Bien. Comment diriez-vous maintenant? Je suis sur le point de le préparer. Je m'apprête à le préparer. À ne pas confondre avec je suis en train de le préparer. Alors, je suis sur le point de le préparer. Lo sto per preparare. Oui, lo sto per preparare. Ou bien, sto per prepararlo. Par contre, comment dit-on je suis en train de le préparer? Lo sto preparando ou sto preparandolo. Très bien. Ça, c'est le présent et même le présent immédiat, ce qui se passe en ce moment même. Le présent simple, qui serait « je prépare », peut servir, comme vous savez, à exprimer le futur. C'est un procédé très courant en italien, plus qu'en français. Si vous voulez dire par exemple « je te le dirai demain », vous avez le choix entre le vrai futur ou bien le présent. Je te le dis demain. Comment diriez-vous ça? Je te le dis demain. Te lo dico domani. Te lo dico domani. Oui. Et si vous vous voyez la personne, je vous le dis demain. Glielo dico domani. Glielo dico domani. Très bien. Le dico, je vous dis. Mais glielo dico, je vous le dis. C'est pareil avec lui. Je lui dis, gli dico. Mais je le lui dis. Glielo dico. Glielo dico, c'est ça. Donc, nous avons vu que le présent s'emploie beaucoup pour parler du futur proche. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser directement le futur. Au lieu de « je vous le dis demain », on peut donc dire « je vous le dirai demain ». Comment diriez-vous ça? Dirò. Dirò, oui. Ça, c'est le verbe. Mais il me faut aussi le reste de la phrase. « Je vous le dirai demain ». Lo dirò domani. Ça, c'est « je le dirai demain ». Mais je vous le dirai demain. Lelo. Glielo. Glielo. Oui. Glielo dirò domani. Voilà. Glielo dirò domani. Alors, dites-moi maintenant, il ne me le dirait pas. Non me lo dira. Ça, c'est il ne me le dira pas. Direbbe. Direbbe, oui. Non me lo direbbe. Non me lo direbbe.